Te demande pas qui frappe à ta porte. C'est moi, Black Brut, le petit Z, qui arrache la prod sans demander ton accord. Mon humeur du jour, je sais pas trop, c'est bizarre. J'ai des envies de meurtre, donc ton bitch le heurte. Péter le score à chaque apparition. Pourquoi changer un homme qui gagne, hein? On garde les mêmes résolutions. On cherche pas à faire de révolution, trop tard. Ton rap ou la chasse, remballe ton flow, ton car. Infâme staff, la team. Si tu testes, qui reste? Franchement, je te jure, voilà la team. Le barrier dream vide, même pas en rêve. Alka, dis-leur qu'ici y'a que les empereurs qui règnent. Du simple valet, t'en as même pas l'étoffe. Si tu veux que clash, on te cuisine à la Jean-Pierre Coff. 91, provenance de la tuerie. U2F, ISF, les places de l'écurie. C'est faux, c'est loge, hein. Père, c'est dans ton couplet que mes balles se logent. Le rap perd son souffle, vous savez faire cette bouche à bouche. On prend la relève en faisant du beat à bouche. Rime farouche, on est devenu paranoïaque. On fait plus confiance à personne, à part au diable. Alka, vote et Black Brut, les maîtres des lieux. Ouvre grand ta bouche et ferme les yeux. Pef le dégueu, l'élément fort, le brutal cas. Si, si. J'incinère mon cahier dans le noir comme Gilbert Montagnier. Camouflage militaire, bombardier. J'rappe la haine, la crasse, la misère de mon palier. Pour mes survivants qui étaient comme hiver sont à pied. J'espère être là le jour où mes petits frères vont se marier. J'serai toujours près d'eux, j'serai toujours hyper frontalier. J'laisse les langues de vipères contrariées. Comme ce fils de putain qui se dit être mon allié. Les disciples de Lucifer vont châtier. Y'a pas de mystère, mes ténébreuses chimères ont gagné. ALKPOTE et la brute épaisse ont brûlé, ont t'encule même si tu pues des fesses. Je vais te préparer de la drogue qui va te faire avaler ta morve dans la vallée de la mort, salope. Rien à branler de ta santé. Je vais m'absenter pendant que tu vas trembler devant mon assemblée. C'est faux, c'est loge, hein. Père, c'est dans ton couplet que mes balles se logent. Le rap perd son souffle, vous savez faire cette bouche à bouche. On prend la relève en faisant du beat à bouche. Rime farouche, on est devenu paranoïaque. On fait plus confiance à personne, à part au diable. Alka, vote et Black Brut, les maîtres des lieux. Ouvre grand ta bouche et ferme les yeux. Infâme staff, unité de feu, réglé de Carthage, élément fort. Alka, Brut, la mèche et la poudre, la tempête et la foudre, on a la pêche et la foudre. L'élément fort, oh, l'aigle de Carthage, si, si. Oh, on est venu pour appeler petite pute, nous parle pas de partage. Brut, c'est la cerise sur le gâteau, oh, oh, c'est la pitié fleur clito tango, oh, oh. Désolé pour l'énergie que je dégage quand je kick. Moi aussi je voudrais ma part de grailler tout de suite. J'ai la bougeotte comme Van Damme dans Bloodsport. C'est coupe-gorge des sous-sols d'Evry à Boulogne jusqu'à la goutte d'or. Ça fourre des chiennes toutes moches. On veut toucher le ciel sous drogue et faire plus de sous qu'Étienne Moujotte. Faut que je trouve des pièces pour que je dorme. Même si je bouffe des miettes, je vous offre le fin du fin que des 20 sur 20. Putain de putain, du pain, du vin, des joints. Et tu sais même plus combien font 1 plus 1. C'est faux, c'est loge, hein. Père, c'est dans ton couplet que mes balles se logent. Le rap perd son souffle, vous savez faire cette bouche à bouche. On prend la relève en faisant du beat à bouche. Rime farouche, on est devenu paranoïaque. On fait plus confiance à personne, à part au diable. Alka, vote et Black Brut, les maîtres des lieux. Ouvre grand ta bouche et ferme les yeux. C'est faux, c'est loge, hein. Père, c'est dans ton couplet que mes balles se logent. Le rap perd son souffle, vous savez faire cette bouche à bouche. On prend la relève en faisant du beat à bouche. Rime farouche, on est devenu paranoïaque. On fait plus confiance à personne, à part.